Chapitre 16. Les feuilles mortes jonchaient le sol, elles tourbillonnaient autour de Lord Gerald et s'abattaient sur ses épaules, sur la croupe du cheval qu'il conduisait par la bride, dans un sentier reculé de l'immense parc. Le soleil essayait en vain de glisser ses rayons à travers les nuages amoncelés, et la physionomie du jeune homme reflétait quelque chose de la mélancolie de cette matinée automnale, de la tristesse émanée du jour gris et des futaies à demi dépouillées. Il s'arrêta tout à coup. Il venait d'arriver à l'extrémité du sentier et, devant lui, apparaissait une petite clairière au centre de laquelle se dressait un vieux calvaire de pierre. Sur les marches moussues étaient assises Mademoiselle Amélie et Magali. Près d'elle, étendue sur le sol, se trouvaient deux enfants pauvrement vêtus, aux cheveux roux embroussaillés, qui levaient vers la jeune fille de drôles petits visages espiègles, fort attentifs. Mademoiselle Amélie tricotait activement, tandis que Magali expliquait le catéchisme au bambin. C'était un charme d'entendre cette voix harmonieuse développer, en termes d'une clarté saisissante, les vérités de la foi. L'âme croyante de Magali passait dans ses paroles, son cœur de femme compatissante et tendre vibrait dans son accent. Parfois, cependant, ce ton se faisait ferme, presque sévère, lorsque les jeunes auditeurs manifestaient des velléités de distraction. « Quelle éducatrice elle ferait !» murmura le duc. « C'est l'idéal féminin, cela. Bonté, dévouement, énergie, délicatesse incomparable. Et cette simplicité, cette modestie ravissante qui la fait s'ignorer elle-même. » Le rire si frais, si délicieux de Magali résonna tout à coup dans la clairière, suivi, comme un écho, de celui de Mademoiselle Amélie. Sans doute, un des enfants avait fait une réponse amusante aux questions de la jeune catéchiste. Et si gai aussi, Freddy prétend qu'elle ne l'est plus tout à fait autant. Souffrirait-elle vraiment? Je voudrais tant que non. Et cependant, étrange chose qu'un cœur humain, murmura-t-il en levant impatiemment les épaules. Il passa la main sur son front comme pour en chasser une pensée importune et s'avança vers la clairière. Magali interrompit brusquement son explication et se leva. Les enfants tournèrent vers l'arrivant des yeux effarouchés. Sur un signe de la jeune fille, ils se dressèrent sur leurs pieds et exécutèrent une sorte de petite révérence. « Ne vous dérangez pas, Miss Magali, » dit le duc en se découvrant. « Continuez vos explications, elles me rappellent les jours de mon enfance, alors que l'excellent père Noué m'inculquait la science chrétienne. » « Vous en souvenez-vous, Mademoiselle Amélie ?»« Très bien, milord. Vous étiez un élève très facile, au point de vue doctrinal. »« Mais pas au moral, » dit-il en souriant. « Pauvre père, je lui ai donné du mal avec mon caractère, déjà bien dessiné en ce temps-là. Mais j'avais fait de vrais progrès pour ma première communion. Malheureusement, les flatteries, les adulations dont j'ai été entouré ensuite... L'autorité que l'on m'abandonnait, si jeune encore, ont gâté l'œuvre de mon dévoué catéchiste. Il en est toujours resté quelque chose, milord. Oui, je m'en suis aperçu plus tard, mademoiselle. Eh bien, Miss Magali, ne voulez-vous pas continuer votre leçon devant moi ? Dit-il en voyant la jeune fille congédier à voix basse les deux enfants. Nous avions presque fini, milord. D'ailleurs, nous avons bien le temps, puisque Mademoiselle Amélie ou moi venons tous les jours ici pour enseigner ces pauvres petits, abandonnés par leurs parents et demeurés à la charge d'un aïeul impotent. Personne ne leur avait jamais parlé de Dieu, ils étaient ignorants de toutes choses, pauvres créatures. Tous les jours, à cette distance du château, ces enfants demeurent-ils par ici ? Non, la masure du vieux Willy se trouve au contraire vers l'ouest. En ce cas, il me paraît beaucoup plus simple de donner rendez-vous à ses enfants plus près du château ou au château même, au lieu de faire tout cet énorme détour pour venir jusqu'ici. Évidemment, milord, cela nous fait perdre beaucoup de temps et oblige Mademoiselle Amélie, quand elle est trop fatiguée, à s'abstenir souvent de m'accompagner. Mais ses enfants étant très misérablement vêtus, et leurs parents connus pour d'incorrigibles vagabonds, les gardes refusent de les laisser pénétrer dans l'autre partie du parc. et pour ma part, je ne me risquerai pas à demander au solennel Dixon de leur livrer passage à Hawker Park, dit Magali en riant. Ce n'est que cela, l'obstacle est mince et j'aurai vite fait de l'aplanir. Seulement, je me demande pourquoi vous ne vous êtes pas adressé déjà à moi, afin que je donne des ordres en ce sens aux gardes et à Dixon. C'était une chose de si petite importance, milord, que vraiment je n'aurais osé, dit mademoiselle Amélie. Oui, je sais que tout est de petite importance pour vous lorsqu'il s'agit d'éviter de vous fatiguer et d'exposer votre santé. Cependant, nous tenons à vous conserver bien longtemps encore, chère mademoiselle Amélie. Il me semble vraiment que nous sommes d'assez vieux amis pour que vous me traitiez sans cérémonie, dit-il en se penchant et en pressant affectueusement les mains ridées de la vieille demoiselle. En effet, j'ai eu tort, milord. Je devrais me souvenir plus souvent de la bonté si délicate, de ce cœur que certains prétendent indifférent et froid, répliqua mademoiselle Amélie avec émotion. Un cœur, il y en a qui assurent que je n'en ai pas. Au fait, ce serait plus agréable peut-être, mais quand il existe, il me paraît fort difficile de l'anéantir, dit-il d'un ton léger qui voilait mal une profonde amertume. Il demeura un instant silencieux, le regard fixe sur un sentier du parc, en ce moment éclairé par un pâle rayon de soleil. Mademoiselle Amélie se mit à rouler son tricot, tandis que Magali remettait la grande capeline de paille qu'elle avait déposée sur l'herbe. « J'aurai beaucoup de conseils à vous demander, mademoiselle Amélie, » reprit le duc en passant son bras autour de l'encolure de son cheval qui hennissait doucement, plus impatient de partir, sans doute, que ne le semblait son maître. « Je crois vous avoir déjà parlé de mon intention de créer sur mes domaines des établissements analogues à ceux qui prospèrent sur les terres de plusieurs grands propriétaires anglais, notamment de Lord Selberg, le père de mon ami Rupert. Lady Selberg a fondé et dirige des écoles ménagères, des asiles, des œuvres pour tous les âges. Elle m'a donné là-dessus de précieux renseignements lorsque je lui ai manifesté mon désir de transformer le sort de ceux qui dépendent de moi. » Il y a beaucoup à faire, beaucoup plus encore que je m'en doute, probablement. » Et il se mit à développer ses projets devant les deux femmes attentives et secrètement ravies à la pensée du bien qui se ferait ainsi. Magali s'était assise, elle l'écoutait avec un intérêt ardent, une émotion charmée qui rayonnait dans ses grandes prunelles veloutées. Et devant ce regard, il eut la radieuse vision d'une existence où elle serait son inspiratrice, sa douce conseillère, où elle le guiderait dans la voie de ses réformes charitables en lui apprenant la vraie bonté, celle qui se donne elle-même et s'oublie toujours. En passant par les mains de la jeune duchesse, ses bienfaits acquéraient un prix inestimable et il serait si heureux de se mettre à son école pour connaître les besoins du pauvre, de ce pauvre si longtemps ignoré et dédaigné par lui. En cette minute, il lui vint une irrésistible tentation de lui parler, de lui demander si elle voulait unir sa vie à la sienne. N'était-ce pas fou, vraiment, pour une question de distance sociale, de laisser ainsi passer le bonheur? Un rayon de soleil perça entre deux nuages, une étincelle jaillit de l'émeraude. Le jeune homme la vit et pâlit en serrant brusquement les lèvres. C'était impossible, impossible. « Voilà un soleil un peu gênant, » fit observer mademoiselle Amélie, voyant qu'il fermait légèrement les paupières. « Un peu, en effet. Je disais donc, mademoiselle Amélie, que, malgré toute ma bonne volonté, il m'était impossible, sur beaucoup de points, de remplacer une intelligence et un cœur féminin. Voici pourquoi j'aurais souvent recours à votre expérience et à vos bons conseils, car ma mère n'a pas beaucoup d'aptitude pour ce genre d'œuvre, et, en attendant que je songe à me marier, » ces mots s'étaient échappés presque involontairement de ses lèvres. Les cils blonds s'abaissèrent légèrement, la main de Magali eut un imperceptible tressaillement. Ce n'était rien, et c'était assez pour lui, qui avait si souvent, sans que nul s'en aperçût, étudié cette expressive physionomie sur laquelle il voyait maintenant comme un impur miroir. Ses doigts se crispèrent un peu sur le manche de sa cravache, son visage eut une fugitive contraction. « Pas elle. Oh, qu'elle ne souffre pas, au moins » pensa-t-il. « Je partirai le plus tôt possible, nous oublierons tous deux. » Mademoiselle Amélie continuait l'entretien tout en se levant pour regagner le château. Le duc lui donnait machinalement la réplique en caressant d'une main distraite son cheval qui hennissait de plaisir. Magali réunissait paisiblement les matériaux d'un ouvrage en toile bise destiné à quelque malheureux. Le soleil, qui perçait décidément enfin, glissait sous l'ombre de sa capeline et éclairait sa physionomie très calme, ses grands yeux lumineux et graves. « Votre grâce retourne-t-elle aussi au château ?» demanda mademoiselle Amélie en passant à son bras le petit sac qui contenait son tricot. « Mais oui, et je vous accompagne même, si vous me le permettez, mademoiselle, » dit-il avec une gaieté un peu forcée. « Je n'ai pas très souvent l'occasion de vous voir, et dans 8 jours, je quitterai Hawker Park, d'où nos hôtes seront partis. » « La famille de Wolbert s'en va demain, je crois. » « Oui, mon cousin est appelé à Vienne par la maladie de son frère. Je les y retrouverai plus tard, après la quinzaine que je vais passer en Écosse, chez les Selberg. Ensuite, je rejoindrai Londres, que je compte peu quitter cette année. J'occuperai mon siège à la chambre haute et, de plus, j'aurai fort à faire avec les réformes que je projette sur mes terres. » Il s'était mis en marche vers le château. Lord Gerald causait sans entrain, sa physionomie s'était assombrie, ses sourcils se rapprochaient nerveusement. Magali, silencieuse, regardait droit devant elle, dans la profondeur éclairée de l'allée qu'ils suivaient tous trois. Mais une question adressée au duc par Mlle Noué lui fit tout à coup tourner la tête. « Et ce triste sire de Roswell, que devient-il, milord ?» demandait la vieille demoiselle. « Il est toujours à l'hôpital de Silton, en attendant qu'on puisse le transporter en prison. Il paraît que la guérison n'avance pas vite, d'autant moins que le misérable est en proie à de terribles accès de rage qui l'affaiblissent beaucoup. « Le malheureux !» murmura Magali avec tristesse. « Et s'il en revient, ce sera pour passer en jugement, pour être condamné. »« Naturellement, vous seriez capable de demander sa grâce, Miss Magali. » dit Lord Gerald d'un ton de raillerie douce. « Mais oui, milord, je lui pardonne, Freddy aussi, j'en suis sûr. »« C'est possible, mais moi je ne pardonne pas, » dit-il durement. « Le châtiment, quel qu'il soit, sera trop doux encore pour ce lâche agresseur. » Magali se tut, intimidée par l'irritation qui se lisait sur sa physionomie. Il y avait bien encore en lui quelque chose de cette orgueilleuse violence d'autrefois qui ne pouvait supporter une offense et appliquer sans miséricorde la punition. Elle avait déjà remarqué que le seul nom de Roswell éveillait chez le jeune homme une sorte de colère froide et, si le temps n'atténuait peu à peu celle-ci, il y avait fort à penser que le triste personnage ne serait pas ménagé par lui devant les juges. Elle ne remarqua pas le regret qui passa aussitôt dans le regard de Lord Gerald en voyant l'impression pénible provoquée par sa déclaration d'impitoyable justice. Ce fut probablement dans l'intention de la faire oublier qu'il se mit à parler de Freddy, de ses projets à son égard, projets qu'il mettrait à exécution aussitôt son retour à Londres. Très délicatement, il demandait l'avis de Mlle Noué et de Magali, s'attachant à ne pas mettre en évidence son rôle de bienfaiteur et à leur opinion pour tout ce qui avait trait au jeune homme. « Naturellement, il ne vous quittera pas, Miss Magali, du moins pour le moment, car plus tard, il sera nécessaire qu'il voyage, qu'il travaille dans d'autres ateliers. Mais, pas plus que vous, je ne me soucierai de me séparer déjà de mon cher Freddy. » À propos, ne serait-il pas égoïste de ma part de vous demander de me le laisser emmener en Écosse et en Autriche? Ce serait l'affaire de 2 mois au plus. Lui, je le sais, le désire secrètement, mais cependant, je ne voudrais pas que vous en fussiez trop privé. Du moment où je le saurai content et en bonne main, je ne puis qu'être satisfaite moi-même, milord. Oui, je sais que vous pratiquez la véritable affection, celle qui compte pour rien son sacrifice, pourvu que l'être aimé soit heureux, dit-il avec une gravité émue qui la fit un peu rougir. Je vous remercie de me confier mon cher Fred, et je jouis d'avance de sa joie lorsqu'il apprendra qu'il sera mon compagnon. Cela changera un peu mon itinéraire. Nous irons par mer en Autriche, car c'est son rêve de faire un voyage en yacht. Il ne faut pas trop le gâter, milord. Il me semble que ce petit Freddy, avec ses grands yeux charmeurs, fait tout ce qu'il veut de son cher duc, fit observer mademoiselle Amélie en riant. À peu près, mademoiselle, répondit-il gaiement. Cela tient sans doute à ce que j'ai trouvé en lui le plus charmant caractère et l'être le plus raisonnable qui soit. Mais je vous promets d'être sévère s'il le faut, conclut-il avec un sourire. Comme ils arrivaient devant le château, Julian de Wolberg en sortait. Lord Gérald appela du geste un domestique qui vaguait par là, lui remit sa monture et s'avança vers sa cousine. « Bonjour, Liane, » dit-il en lui baisant la main. « Décidément, ce départ est toujours fixé à demain. »« Toujours, Gérald, » répondit-elle tout en saluant gracieusement Mademoiselle Noué et Magali. « Mais nous nous verrons bientôt à Paris, je pense. » »« Tout d'abord à Vienne, Liane. J'y serai au plus tard à la fin de décembre. » Peut-être reviendrai-je en France avec vous, mais, en tout cas, je ne pourrai m'arrêter plus de 8 jours à Paris. Oui, vous allez devenir un homme sérieusement occupé d'un bout de l'année à l'autre maintenant, et vos parents, vos amis, ne vous verront plus, dit-elle d'un ton de reproche. Que voulez-vous, Liane ? Chacun a sa voix en ce monde. Mais, rassurez-vous, j'aurai bien encore quelques moments à consacrer à ma famille et à mes amis, et je ne prétends pas m'immobiliser toute l'année en Angleterre. Si vous voulez accepter ma compagnie pour votre promenade, je suis à votre disposition. » Elle acquiesça avec un sourire joyeux qui éclaira sa physionomie un peu froide. Le duc salua Magali et tendit la main à Mademoiselle Noué en disant « Faites désormais venir où vous voudrez vous protéger, chère Mademoiselle Amélie, et accordez-moi le plaisir de ne jamais oublier que je me constitue votre trésorier. » Plus vous me demanderez, plus je serai heureux. Et ne craignez jamais de m'importuner en venant me parler de ces misères que vous connaissez si bien. » La bonne demoiselle, tout en gagnant le hall avec Magali, rayonnait à la pensée de ce crédit limité qu'elle n'avait jamais osé rêver et qui venait de lui être spontanément offert avec cette bonne grâce captivante que savait si bien déployer le jeune duc quand il le voulait. « Que n'allons-nous pas pouvoir faire maintenant, Magali ? Chez lui, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il est vraiment bien changé, même seulement depuis quelques mois. Autrefois, lorsque je lui adressais des requêtes pour mes protégés, il se montrait toujours accueillant et empressé, mais c'était simplement chez lui générosité naturelle et plaisir de me causer une satisfaction. Maintenant, je le sens vraiment intéressé et désireux de faire du bien autour de lui. » Magali l'écoutait sans répondre. Elle dit tout à coup, en suivant sa pensée, « Je pense qu'il épousera sa cousine Julianne. » La vieille demoiselle tressaillit un peu. « Je le pense aussi, mon enfant. » « Tant mieux, car elle est bonne et charmante. Elle l'aidera dans sa grande tâche. Chacun a sa voix en ce monde, » murmura-t-elle pensivement, répétant sans y penser la parole que venait de prononcer Lord Gérald.